Bonjour à toutes et à tous, ici Lia. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui comme tous les mardis à 8h et 13h30 pour notre rendez-vous hebdo Minute Bonheur. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de la lithothérapie. Mais la lithothérapie, qu'est-ce que c'est ? Selon les guides des pierres de soins de Reynald Pochiro, le mot lithothérapie vient des termes grecs lithos, pierre, et thérapia, cure. Il désigne l'art du soin par les pierres. Cependant, si l'origine étymologique du mot lithothérapie est facile à retracer, il n'en va pas de même des origines historiques de cet art dont les racines se perdent dans le fond des âges. Pierre et cristaux accompagnent en effet l'humanité depuis le premier outil fabriqué de la main de l'homme et sont encore utilisés dans les technologies les plus récentes. Les origines préhistoriques de la lithothérapie. L'humanité et ses ancêtres utilisent les pierres depuis au moins 3 millions d'années. Sur les sites archéologiques, la présence d'artefacts établit avec certitude que nos lointains ancêtres australopithèques transformaient la pierre pour en faire des outils. Plus proche de nous, les hommes préhistoriques habitaient les cavernes et vivaient ainsi quotidiennement sous la protection du règne minéral. L'histoire de l'usage des pierres comme instrument de soin est trop ancienne pour être retracée avec certitude. Néanmoins, nous savons qu'entre 15 000 et 5 000 ans avant notre ère, les hommes des cavernes manipulaient les pierres dans tous les actes de leur vie quotidienne. La pierre était portée en amulette, travaillée en statuette, dressée en temple mégalithique. Menhir, dolmen, on y appelait force, fécondité, etc. Dans l'Antiquité, les Indiens, Aztèques, Mayas et Incas sculptent la pierre en statues, statuettes et bijoux. En Égypte, le symbolisme des couleurs des pierres ainsi que l'art de leur emplacement sur le corps s'organise. En Chine, en Inde, en Grèce, dans la Rome antique et l'Empire ottoman, chez les Hébreux et les Étrusques, on élève temples et statues, on fabrique bijoux ornés de gemmes et on utilise les pierres pour leurs vertus physiques et psychologiques. Durant le premier millénaire, la symbolique des pierres s'enrichit considérablement, que ce soit en Occident, en Chine, en Inde, au Japon, en Amérique, en Afrique ou en Australie, le savoir des pierres de l'art de la lithothérapie se développe. Les alchimistes cherchent la pierre philosophale, les Chinois utilisent les propriétés du jade en médecine, les Indiens codifient les propriétés des gemmes et les jeunes brahmanes sont initiés au symbolisme minéral. Dans les tribus nomades de divers continents, les pierres sont utilisées comme objet de relation entre l'homme et le divin. Au cours du second millénaire, les connaissances s'affinent. L'abbé Haoui découvre au XVIIIe siècle les sept systèmes cristallins. Les pierres sont utilisées en médecine, essentiellement sous forme de poudre et d'élixir. La lithothérapie, qui ne porte pas encore son nom, rejoint les disciplines scientifiques médicinales. Puis, sous l'impulsion du progrès des sciences, on se détourne du pouvoir des pierres. Ce n'est que dans la deuxième moitié du XXe siècle que l'on assiste à un regain d'intérêt pour les pierres et leurs propriétés. Le terme lithothérapie apparaît dans la seconde moitié du XXe siècle. Le médium Edgar Cayce attire le premier l'attention sur les propriétés curatives des minéraux en évoquant le pouvoir de guérison des cristaux. Puis, c'est sous l'impulsion des mouvements d'idées nés dans les années 1960 et 70, en particulier du New Age, que la lithothérapie regagne les faveurs du grand public. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se passionnent pour les bienfaits des pierres et développent cette médecine douce comme alternative et complément à la médecine moderne. Certains s'efforcent d'explorer toutes les capacités thérapeutiques des pierres et entendent donner à la lithothérapie ses lettres de noblesse persuadées du fait qu'elle peut nous soulager et nous guérir. Les pierres et cristaux font en outre partie de notre quotidien d'Homo Technologicus. On extrait chaque jour métaux et corps chimiques des minéraux. Le quartz est dans nos montres et ordinateurs, les rubis génèrent les lasers. Et nous les portons, diamants, émeraudes, grenats, en bijoux. Peut-être un jour trouverons-nous dans cette même technologie les moyens de constituer la lithothérapie en science. Nous pourrons ainsi observer comment les pierres agissent de façon mécanique sur notre corps, notre esprit et notre équilibre énergétique. D'ici là, chacun est libre de faire sa propre idée en utilisant les pierres au quotidien. Plus important encore, chacun est libre d'y trouver des bienfaits qu'une expérience millénaire a su mettre en lumière. Dans le cadre d'une lithothérapie, plusieurs choix d'utilisation s'offrent à vous. Soit vous pouvez prendre une pierre plate et l'insérer dans votre poche, dans votre sac. Vous pouvez également porter un bijou, soit un bracelet, un collier ou même un pendentif. Si vous êtes thérapeute, les galets aux pierres plates sont parfaitement adaptés pour les garder dans votre main et les poser sur le corps de votre sujet. Ainsi, les vertus des pierres et minéraux pourront pleinement s'exercer. Sur votre lieu de travail, vous pouvez également avoir une sphère ou une pyramide. Ces formes traitent parfaitement les lieux de vie ou les lieux de travail. Ces formes réharmonisent parfaitement l'énergie de la pièce. Ainsi, certains minéraux traitent les désordres géobiologiques, notamment pour réguler les réseaux telluriques et les eaux souterraines. Une pierre telle que la tourmaline noire, par exemple, va protéger des ondes électromagnétiques. Voici quelques exemples de pierres et de leurs bienfaits. L'améthyste est la pierre symbolisant la sagesse et la tempérance. Elle apporte l'harmonie dans sa vie personnelle et dans sa vie de couple. Elle donne de l'assurance, elle apporte la clarté d'esprit et facilite la concentration. Elle stimule l'imagination et la créativité. Elle développe le potentiel intuitif et spirituel. Elle favorise les apprentissages et la méditation. Elle favorise la sérénité, la détente et la paix. Liée au septième chakra, ou chakra couronne, Sahasraa, aide à ressentir la plénitude qui est en vous, à comprendre l'importance de votre place et votre but sur la toile de fond de l'univers. La cornaline est une pierre d'ancrage qui encourage à faire front et donne le sens des responsabilités. Elle permet de vivre au présent, elle apporte vitalité et dynamisme, apaise les tensions internes et les difficultés relationnelles. Elle aide à combattre la stérilité, la frigidité et lutte contre les troubles liés à la sexualité. Elle apaise les douleurs liées aux lunes. C'est une pierre qui chasse les cauchemars. Liée au premier chakra ou chakra racine, Muladhara, et au second chakra ou chakra sacré, Svadhisthana, enracine dans le présent et apporte confiance en l'expression spontanée de vos émotions. La labradorite, c'est une pierre indispensable pour la protection de toute personne ayant affaire au public. C'est aussi une pierre de charme et de séduction et une pierre hautement spirituelle. Elle facilite l'amitié et invite à plaire aux autres. Elle absorbe les peines, éloigne les peurs et les sentiments d'insécurité. Elle redonne confiance en soi. Utilisée en méditation, elle ouvre la conscience au savoir spirituel, facilite l'intuition et la clarté de vision. Liée au sixième chakra et au chakra du troisième œil, Ajna, centre de la conscience. Elle est également dite la pierre des thérapeutes. L'obsidienne, c'est une pierre d'équilibre et de protection, elle accentue la sérénité. Elle crée un bouclier de protection et aiguise notre vision interne, le miroir de l'âme. Elle dissout les blocages émotionnels et calme les peurs, renforce et enracine nos valeurs personnelles et nos convictions. Elle accentue la richesse de l'intellect, elle convient pour des séances de méditation où elle nous révèle la vérité intérieure. Sur le plan physique, elle repousse les crampes et les douleurs articulaires. Liée au premier chakra ou chakra racine, elle vous enracine dans le présent et favorise la prise de conscience de l'énergie qui se dirige et s'écoule en vous. L'opale, longtemps considérée comme un porte-bonheur et en Inde comme le symbole de la Trinité, c'est la pierre du bonheur apportant beauté, fortune et santé. Elle stimule la réflexion et équilibre le plan émotionnel. Elle apporte l'harmonie et la quiétude. Elle encourage les sentiments amoureux et amicaux. Elle favorise la créativité et ouvre l'esprit à la vie spirituelle. Liée au septième chakra ou chakra couronne, elle aide à ressentir la plénitude du vide qui est en vous, de comprendre l'importance de votre place et de votre but. Voilà pour ces quelques exemples, mais la liste est très très longue. Je vous invite à faire des recherches sur la toile pour connaître eh bien, les vertus de toutes ces pierres. Il existe également de nombreux ouvrages. Laissez-vous aller et guider par votre intuition pour trouver celle qui vous conviendrait. Vous pouvez également vous rendre au sein de boutiques vendant. C'est beaucoup existe dans les Vosges et nombreux ceux qui pourront vous conseiller. Les pierres sont vivantes et se transforment au fur et à mesure de leur réutilisation. Elles changent de teinte, se fissurent et peuvent même perdre leurs propriétés si elles sont trop sollicitées. Mais si vous les entretenez bien et leur renvoyez de l'énergie positive, elles la conserveront et pourront vous la rendre. Il existe différentes techniques pour l'entretien, le nettoyage et la purification énergétique des pierres et cristaux de lithothérapie. Nous allons voir les quatre principales d'entre elles, l'eau, l'enfouissement, le sel et la fumigation. Quoi qu'il en soit, traitez toujours vos pierres et vos cristaux avec amour et respect. Après les avoir utilisés lors d'une séance de lithothérapie, remerciez les pierres, dites-leur le bienfait qu'elles vous ont apporté. Pensez également à les nettoyer régulièrement avec un chiffon doux afin qu'elles préservent tout leur éclat. Lorsque vous achetez une pierre ou qu'on vous en offre une, cette dernière est déjà chargée par l'énergie des personnes qui les ont manipulées. La première chose à faire, c'est de la décharger et de la purifier des énergies qu'elle a accumulées. Cette étape devrait être systématique lorsque vous acquérez une nouvelle pierre ou un nouveau cristal. Il faut également nettoyer régulièrement vos pierres lorsque vous les utilisez pour des séances. Durant ces dernières, elles se chargent et se déchargent et il est nécessaire de neutraliser ces apports et dépenses énergétiques pour préserver les propriétés et l'équilibre de vos pierres. Enfin, si vous portez vos pierres de manière quotidienne, vous devez également les décharger et les purifier. Vous sentirez naturellement le moment où elles en ont besoin. La purification par l'eau. Si tous les lithothérapeutes ne préconisent pas les mêmes techniques d'entretien des pierres et cristaux, il en est une sur laquelle ils tombent tous d'accord, la purification par l'eau. Cette technique est à la fois simple et efficace. Après usage de vos pierres, laissez-les tremper dans un bol d'eau du robinet pendant plusieurs heures. Elles se déchargeront ainsi des énergies accumulées au contact du corps. Pour éviter la pollution chimique de l'eau courante, vous pouvez également utiliser de l'eau déminéralisée. Cette technique d'entretien devrait devenir pour vous un réflexe mis en œuvre après chaque utilisation de vos pierres. Néanmoins, faites attention car toutes ne supportent pas l'eau. C'est notamment le cas de l'azurite, de la célestine, du grenat, de la pyrite ou du soufre. L'enfouissement des pierres. Cette technique est préconisée pour les pierres et cristaux qui ont besoin d'une purification en profondeur. Trouvez un endroit de terre favorablement chargé en énergie et enfouissez-y votre pierre. Prenez soin de bien repérer l'endroit où vous l'avez mise pour la retrouver facilement par la suite. Pour une purification et un déchargement efficaces, laissez votre pierre en terre pendant une durée de plusieurs semaines à plusieurs mois. De cette manière, votre pierre se déchargera de toutes les énergies qu'elle a accumulées et retrouvera une seconde vie. Lorsque vous la déterrez, nettoyez votre pierre à l'eau, puis polissez-la avec un chiffon avant de la recharger. La purification par le sel. Il existe plusieurs approches concernant la purification par le sel. La première recommande de placer votre pierre de lithothérapie sur un amas de sel marin et de la laisser se décharger grâce à l'absorption des énergies par le sel. La deuxième école préconise d'utiliser une solution de sel cristallisée dissoute dans de l'eau. Rénal Bocchero recommande par exemple d'utiliser du sel de Guérande ou de Noirmoutier en combinaison avec de l'eau déminéralisée. Dans ce cas, on couvre le récipient d'un voile opaque et on le laisse reposer au calme pendant au moins 3 heures. Après cette purification, rincez votre pierre à l'eau claire et laissez-la sécher au soleil. Notez que les bains ne peuvent servir que pour une pierre et une purification. Faites également attention au fait que toutes les pierres de lithothérapie ne supportent pas le contact avec le sel. La fumigation. Il s'agit là d'une technique douce pour purifier et décharger vos pierres de lithothérapie. Elle consiste à passer les cristaux dans la fumée dégagée par l'encens, le bois de santal ou le papier d'arménie. Utilisez cette technique lorsque vous voulez nettoyer des pierres et cristaux peu sollicités ou fréquemment purifiés. Sachez également que vous pouvez recharger vos pierres après les avoir purifiées. C'est même fortement recommandé lors de pleine lune ou à la lumière du soleil. C'est également possible sur certains cristaux. Voilà, sur ce sujet de la lithothérapie, il y en aurait encore tellement à dire. Je vous invite à aller vous informer si vous souhaitez en savoir plus. Encore une fois, laissez-vous guider par votre intuition. Vous trouverez les bonnes informations et surtout les pierres appropriées pour votre bien-être personnel. Voilà pour cette chronique Minute Bonheur d'aujourd'hui. Je vous dis à mardi prochain. Je vous embrasse bien fort. I'm your slave, please take me anywhere, take me anywhere. All of the way.